Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de RGM. Ce soir, l'émission Vivre et créer à la montagne va essentiellement être consacrée au concert du printemps de la chanson, qui a été enregistré à la Miroiterie à Remiremont le 20 avril, et qui sera redonné le 11 mai à Léo-Lagrange à Épinal. Donc c'est important de saisir toute la beauté de ces chansons. Alors, avant, je vous présente deux informations. L'une concerne le 1er mai, et vous entendrez notamment Jacou. Jacou, c'est un ancien combattant, il a 90 ans, ancien combattant, on veut dire, des luttes sociales, et il est, chaque année, il est présent pour faire un discours toujours tonitruant et offensif. Et donc, c'est une spécialité de Bussan. Autre spécialité de Bussan, c'est malheureusement la destruction du presbytère au XVIIIe siècle, sur lequel j'ai beaucoup informé, et sur lequel je reviendrai, bien sûr. Disons, en résumé, il a été détruit le 23 avril, et on avait pourtant essayé de mobiliser toute l'opinion avec des pétitions d'environ 1300 signatures, avec l'appel à Stéphane Bern, avec l'appel à la DRAC qui devait statuer sur la protection au mois de mai, mais la mairie s'est dépêchée avant de détruire. Alors bon, je reviendrai sur le sujet largement, ultérieurement. En attendant, je vous renvoie à d'autres médias quand même, aussi bien Vosges Matin, l'Écho des Vosges, pour la presse écrite, pour la presse internet Remiremont Info, Remiremont Vallée, letio.com, et aussi pour la télé FR3 et Vosges Télévision. Voilà. Donc une alarme et des regrets, bon, mais voilà, un combat d'une année où on a beaucoup espéré faire de ce lieu un lieu culturel, un tiers lieu culturel avec des artistes, ou bien, et aussi un musée du patrimoine, enfin une maison du patrimoine. Tout ça est à terre, et maintenant c'est ground zéro à Bussan. Bon, voilà. Alors, je reviens maintenant sur l'annonce du premier, de ce que je disais du 1er mai. Jacou est un ce qu'on appelle un rouge, si je peux dire, puisqu'à Bussan, on a une partie de tradition rouge depuis les années, on va dire, depuis le Front Populaire, et ça s'est perpétué, et à travers diverses périodes de l'histoire, Jacou Parmentier, a été le meneur de l'opposition de gauche, et qui maintenant est en principe à la mairie, donc c'est plus l'opposition, et il avait obtenu le 1er mai, alors je ne me rappelle plus en quelle année, c'était dans la fin des années 80, il avait obtenu que le 1er mai soit célébré par la municipalité. Alors ça avait été supprimé à un moment donné par une municipalité de droite, et ça a été réinstauré par une autre municipalité de droite sur la demande de Jacou. Alors voilà, Jacou, très engagé, représente un petit peu la pugnacité chaque année de l'opinion, disons, contestataire, en tout cas de gauche, de Bussan, et j'ai tenu donc à ce qu'il soit présent sur notre antenne. Alors, vous allez l'entendre tout de suite dans son discours qui a été fait devant le monument aux morts de Bussan, près de l'ancienne gare, l'office du tourisme. Voilà, Jacou Parmentier. Jacou, de Jacques Parmentier, qui est traditionnel le 1er mai. Et je remercie d'être là aujourd'hui encore, à 90 ans passés. Je ne veux pas dire là, j'ai 92. Au mois de septembre. Les Parmentiers tiennent le coup, hein. Ouais. C'est une sacrée chance. Je remercie le maire de me donner la parole. À Paris, le 1er mai se déroulera avec la CGT, FO, FSU, Solidaire. Les les lycéens, les étudiants et aussi les gilets jaunes. Il sera rejoint par les jeunes marcheurs pour le climat. Tous unis contre la politique de Macron. Les revendications sont les mêmes pour tous. Augmenter le SMIC, la retraite à 60 ans, moins pour les métiers exposés aux intempéries ou ceux qui sont exposés en permanence à des produits nocifs. Mettre du personnel où il en faut dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les forêts aussi, qui sont dans un état lamentable. Il faut arrêter d'aller au travail en courant et surtout courir en travaillant. La plupart des ouvriers dans les grandes entreprises sont à bout de souffle. On n'a jamais vu tant de suicides dans toutes les professions. Arrêtons la course à l'argent. Il n'y en a jamais tant eu. Et je n'ai jamais tant eu de pauvres. Jamais tant de niches fiscales non plus. Je vous donne quelques noms. Bernard Arnault, en 2018, sa fortune, 73 200 000 €. Alain Gérard, Vertemer, 40 milliards. Axel Dumas et la famille Hermès, 39 600 000 €. Françoise Bettencourt, 39 300 000 €. Gérard Mullier, Auchan, 38 millions. François Pinault, 30 milliards 500 millions. Famille d'Arceau, 23 milliards 800 millions. Pierre Castel, 12 milliards 5 millions. Il y en a encore deux à venir, là, je cite les 10 plus fortunés. Emmanuel Besnier, 12 milliards. François Perraudeau, 8 milliards 500 millions. Leur fortune a doublé dans 10 ans. Pas nos salaires, hein, je vous ferai remarquer que vous avez bien vu d'ailleurs. 1028 milliards d'euros, c'est le patrimoine des 350 000 plus grandes fortunes de France assujetties à l'ISF. 200 milliards d'euros par an, montant des aides, exemptions dont bénéficient les entreprises, dont 40 milliards en 2018 pour le CIS, ce qui n'empêche pas ces entreprises qu'ils touchent de licencier tel Carrefour. Je signale que la grande distribution, c'est elle qui a touché en premier le CIS. Tel Carrefour qui a touché 2 milliards d'euros du CIS et d'exemption de cotisation en 5 ans. 30 000 emplois ont été perdus en 5 ans dans la grande distribution malgré ce déversement d'aides publiques. 35 milliards d'euros, c'est ce que rapporterait en France une taxe sur les transactions financières de 0,1% sur les actions et de 0,05% sur les produits dérivés. 47 milliards d'euros de dividendes ont été distribués par les entreprises aux actionnaires du CAC 40. 60 à 80 milliards, c'est le montant de l'évasion fiscale qui échappe à l'impôt. Il y en a peut-être plus, ça même. Tout ça pour vous dire qu'il y a de l'argent qui devrait aller dans les services publics. 25 000 associations ont mis la clé sous la porte en 2017, entre 2014 et 2017. Les associations culturelles ont perdu 6 600 emplois. Faute de pouvoir boucler budget. Salariés, 2400 employeurs associatifs ont mis la clé sous la porte et 13 millions de bénévoles donnent de leur temps pour les autres. Ça, c'est pas mal non plus, hein. En passant, un mot sur les taxes indirectes qui n'ont pas cessé d'augmenter ces dernières années. Taxe carbone sur le tabac, l'alcool, afin de compenser les baisses des rentrées fiscales, de l'impôt sur les sociétés. ou de l'impôt sur le revenu. En 2018, 287 milliards d'euros de recettes pour le budget, hein. 154 milliards au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, 13 milliards 600 millions de taxes intérieures sur les produits énergétiques, l'impôt sur le revenu, 72 milliards, et l'impôt sur les sociétés, 25 milliards. La TVA que tout le monde paye en achetant sa baguette de pain, même le plus malheureux qui couche dehors, la TVA alimente plus de la moitié des recettes, 154 milliards contre 133 milliards pour le reste. C'est ça la justice. Il faut renationaliser la SNCF, remettre en service les petites lignes qui desservent les secteurs éloignés, reprendre le fait qu'ils rapportaient de l'argent et pallier au manque à gagner de ces petites lignes. Un train de marchandises chargé au maximum remplace une trentaine de camions. Donc moins d'encombrement sur les routes. Je rappelle qu'un poids lourd sur la route, un poids lourd use la route comme 30 000 voitures d'après les statistiques. Moins de pollution aussi. Revenir au transport sur les péniches qui ne fonctionne qu'à 10% de ses possibilités. Ce mode de transport, très péniche, moins dangereux, plus fiable que la route. La SNCF embauche ses chauffeurs, plus beaucoup de chômeurs car elle manque de bras pour l'entretien des lignes. C'est ce qui provoque les accidents actuels d'ailleurs. De l'argent, on en trouve, déjà en arrêtant de guerroyer comme on le fait dans tous les pays depuis 1945. Moi, j'ai pas vu la France arrêter une forte battre. Nous n'avons arrêté de nous battre dans les colonies, au Vietnam, en Afrique. L'Algérie, à qui de Gaulle avait promis l'indépendance en levant des troupes, qui se sont battues contre l'Allemagne. Revenir aussi à une agriculture plus familiale, plus humaine et biologique en arrêtant les pesticides nuisibles à la santé qui fabriquent des enfants sans bras, comme on a vu à la télévision la semaine dernière, élever des bêtes en liberté et non pressées les unes contre les autres, les ruminants nourris à la pelle pour augmenter la lactation et faire du lait que l'on ne peut vendre parce qu'il y en a trop. Il faut brader ce lait à des prix dérisoires, en dessous du prix de revient, ce qui explique le malaise dans l'agriculture. Après la guerre, 213 articles de première nécessité dont les prix étaient bloqués ou auxquels on ne pouvait déroger. Ça, les articles qui étaient bloqués, les 213 articles, c'était, il n'y avait aucune taxe par-dessus, hein, si je me rappelle. Un mot sur l'Europe. Depuis 10 ans, la Banque européenne a versé 3 000 milliards d'euros, tenez-vous bien, aux banques privées, sans aucune contrepartie, à taux zéro, hein, bien entendu, sans la moindre condition. Cet argent a servi pour une bonne partie à alimenter la spéculation, ce qui explique que ces propriétaires, les 10 plus fortunés, là, leur fortune a quadruplé, doublé dans l'espace de 10 ans. L'argent a été placé à des taux X. Yann Brossa propose que cet argent alimente un fonds pour les services publics partout sur notre continent. Si l'Europe servait à cela, elle serait au service des gens, pas de l'argent. Lorsqu'il y a eu le débat sur le 2, le 4 avril, Yann Brossa a été déclaré le plus convaincant. Au Parlement européen, siègent 750 députés. 751 députés, il y a seulement 3 ouvriers. La liste PCF a 50% d'ouvriers et d'employés. Il réclame un salaire moyen en Europe de 60% du salaire moyen, soit environ 1400 euros net par mois, ce que demandent depuis des mois les Gilets jaunes. On va terminer sur Notre-Dame de Paris, à brûler. L'argent était tout de suite trouvé pour la rebâtir. Je ne suis pas contre, je vous le dis tout de suite. Dans les années 1880, elle a déjà subi des réparations payées par l'État qui, à l'époque, avec de l'argent. Victor Hugo a eu ces mots. On répare Notre-Dame, c'est bien. Quant aux misérables, ils attendront. Ils ont l'habitude, comme les Gilets jaunes. Merci de m'avoir écouté. Bien, après ce prélude Bucenay, si je peux dire, nous allons revenir au sujet central, qui est le printemps de la chanson. Le printemps de la chanson se déroule chaque année, depuis 17 ans, à Rue-sur-Moselle, sur l'initiative de François Feuté. Et cette année, il s'est déroulé le 23 mars, d'abord au Mille Club de Rue-sur-Moselle, avec beaucoup de monde, ça a été pleine. Et vu le succès, bien, les chanteurs qui se retrouvent chaque année, plus ou moins, avec parfois des nouveaux, comme par exemple Catherine la flûtiste cette année, les chanteurs et musiciens ont redonné une soirée également remplie totalement, le 20 avril à la Miroiterie. C'est celle-ci que vous allez entendre, sont revus par Jean-Claude Vorgy, qui est un des principaux musiciens et créateurs d'ailleurs, c'est un chanteur, compositeur, interprète, que nous ne manquerons pas d'inviter dans nos samedis musicaux. Donc samedi musicaux, lui il viendra, il est intéressé, et il présentera à Léo Lagrange ce concert. En effet, à Léo Lagrange, on a décidé d'y aller le 11 mai, et on le redonnera une troisième fois, sans doute dernière pour cette année. Bon, donc, c'est 5 euros l'entrée, c'est pas cher, ça vaut le coup. Maintenant, je vous laisse à l'écoute de la première partie. Quelque chose à raconter. déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes l'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah, on a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Et ma sœur doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien sauf que chez moi. Sauf que chez moi, il y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Ou juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres. Ce courage pour arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien sauf que chez moi. Que chez moi, y'a rien. La moitié d'un échafaudage. Je n'en demande pas davantage. À rien qu'une parole, un geste. Donnez-moi tout ce qui vous reste. Et après. Déjà nos villages s'éloignent. Merci les gens, j'ai entendu la chanson. Cabrel. Africain. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. À le cœur d'un marin, au grand vent se mûrit. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les loges d'imagine, Potemkin. En voudrez-vous beaucoup, si je vous dis d'un mot, pour celui qui profond que face aux révoltés monte les fusillés. C'est mon rêve, mon assassin. Potemkin, mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur celui qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te le fais dans le cas, marin ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leur carabine, Potemkin. La seule solution, c'était de mourir. de l'église à l'été. Les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient des poissons aux vacances d'été. Chemin de ronde que font sans cesse les

un peu semblable au jeu de cartes aux mains du joueur. Quand il n'y aura plus de donne, même s'il y a mal d'homme, au café, les certitudes, au vieux flipper de l'habitude, au jeu gratuit des sauteries, bonsoir. À l'idole qui finit mal, avec Blondie dans un journal, maître à penser, maître à chanter, bonsoir. C'est le temps de plus d'excuses aux vieilles écoliers qui s'amusent. Ce qui n'est pas ne sera pas plus tard. Dans l'emploi du temps qui reste, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de sieste, il n'y a plus de cafard. Ne vois que de la poussière. Oh ma ville, aux pluies d'automne, un jour si ton parfum m'étonne, je veux mouiller, gorge serrée du soir. Promets-moi de faire silence avec mes souvenirs d'enfance. J'ai 60 ans, je suis content. Bonsoir. La légende. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly is creeping. Let me see while I was sleeping. And the vision that was planted in my way still remains. Is there the sound of silence? In my stress dream I walk alone. Our streets of common soul. Colored to the cold and then when my eyes were stared by the flash of a neon light, a space of light, and touched the sound of silence. And even every light I saw, 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing writing songs that voices never share, and no one there disturbs the sound of silence. Who said that you do not know? Silence like a concert grows. Hear my words and I might teach you. Take my hands and I might reach you. My words like silence when words fell, and echo in a world of silence. And the people bowed and prayed to the neon girls they made. And the sign flashed on its for me, and the words that was for me. Silence and the words of the prophets are waiting on the subway wall. And then it goes in the sound of silence. Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'ombre sombre arriva. Au bas d'une montagne, en une grande plaine, sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent : couchons-nous sur la terre et dormons. Caïn ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres, et qu'il regardait dans l'ombre fixement. Je suis trop peu, dit-il, avec un tremblement. Il réveilla ses fils, dormant sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, il allait muet, pâle, et frémissant au bruit. Furtif, sans regarder, derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil, il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assuré. Ah, et son nom dit-il, car cet asile est sûr. Cachez-moi, cria-t-il, et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler la gueule farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, je ne voyais plus rien. Et qui là, l'enfant blanc, la fille de ses fils, douce comme l'or Et qu'un répondit, je vois cet œil encore. Une enceinte de tout, si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. L'ombre des tours pesait la nuit dans les campagnes, ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte on grappa, défense à Dieu d'entrer. Un pilure fini de chlore et de purée, on mit l'aïeul au centre, en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. Oh mon père, l'aïeul qui disparu, dit en tremblant Silla. Et Cain répondit, non, il est toujours là. Sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire, rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Cain dit, c'est bien, puis j'y descendis seul, sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et que l'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe. Thank you. pas comme une que je connais et qui me laisse crever toute seule. Et je ne veux même pas en parler. Une qui se fout bien de la gueule. Qui vont et viennent, puis le silence qui me est-ce que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer à lui? Je suis debout, debout, debout. pas une goutte, ainsi tant d'autres gouttes, doucement goutte à goutte, à déborder. Quand la goutte est pleine, c'est la goutte en qui entraîne les autres gouttes. Je ne suis qu'une goutte, c'était donc la première partie du concert de du printemps de la chanson, enregistré le 20 avril à la Muroterie de Remiremont, salle pleine, très bon accueil, très sympa, et je vous laisse à l'écoute de la deuxième partie après l'entracte. J'ai vu tout le monde se parler comme une parenthèse qui s'ouvrait. Petit larmes qui brillent au coin des yeux qu'on m'a pris. Un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture, on l'avait griffé, déchiré, froissé, et puis peu importe, laissé de la sang. Moi. Vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous dirons que s'il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il tranche déjà. Ça fait longtemps déjà que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si grand, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Oh. grand-père s'en est allé. Un grand mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer l'autre gosse dansant autour du vieux pied noir. Tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir et parle de la liberté. Mais si nous dirons que c'est ton heure, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il tranche déjà. Si je t'y prends, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Elle a été chantée au printemps arabe en Tunisie, en Pologne. Et des amas serrés pour un Magali. Et nous sous l'air de la Camargue, il fantasma au fond de cœur. Qu'est-ce qu'il y a au culinargue? Est-ce que ça y l'aura de ma mort? Magali, Magali, qu'est-ce qu'il t'a pris de ta mère pour le pays de nulle part? Parce qu'un gitan t'a regardé en faisant chanter sa guitare. Magali, je la trouve encore dans les Denis jusqu'à Marseille, de ma voix qui criait si fort que j'ai gardé mal aux oreilles. Enfant d'Ileï, tambourinaire, aimait les filles préférant ça. L'amour qui pourra passer taire et les abeilles serrées pourra. Magali, sous l'air ou de la Camargue, il faut t'en voir au fond de cœur. Qu'est-ce qu'il y a qui ménage, et c'est ça l'ombre de ma mort. Magali, Magali, sous le soleil de la Provence, avec des bêtes à éclater, dans un défi fou qui s'avance, rien ne peut plus les arrêter. Magali, je cogne encore plus fort, le soleil n'a plus de pitié. Qu'est-ce qui t'a pris de me quitter? Oh Magali, dans son grand corps. Enfant d'Ileï, tambourinaire, éveille les filles, fais peur dans ça. L'amour qui pourra passer taille, et les abeilles serrées pourra. Magali, et nous sous l'air de la Camargue, nous portons bien coup dans scène. Les sourires dessinent un rayon de soleil sur l'escalier sombre. J'y inscris ton nom. La muraille meurtrière s'ouvre sur une liberté sans elle. Les signaux de fumée fleurissent dans le soir de bronze. J'y inscris ton nom, méduse désossée, dans l'éclatement gris d'un soleil écorché. Ton nom, Alep.

torse d'un arbre, la valse des flocons sur les statues de marbre, un chant d'harmonica qui pénètre en prison, un miode qui se planquait à l'ombre d'un camion, la chanson de la vague au bateau fracassé, le regard du chaton sur l'orage d'été. Voilà, voilà. Sur le rire des enfants, le clown s'en est allé et la lune répand sur son lit les ongans de la métamorphose. La fanfare a figé et l'écuyer en pleurs, les petits poneys blancs aux toupets de velours les porteront demain à grand bout de tambour sur la butte escarpée où sera sa demeure. Lui drapé dans l'azur, ira-t-il aux planètes, naissance est toute pleine de visas décantés, le secret lourd et bleu des rires désenchantés, qui sonne tant bien les flancons de la fête. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dans un cirque étoilé, sous des soleils enfants aux rires incandescents, le clown fera revivre ridicule et savant les rires où sont cachés. confiné, refera le calcul de ses cosmogonies pour renouer les fils de ses pantins terrestres. Mais c'était là le pire, le rire impardonnable, ce triste rire d'enfant si large que déjà vieux. Pour qui le clown ira botter le cul des dieux, pour qu'il soit dans leur zone improbable. dois dire, pour être honnête, que c'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. Je veux pour les grandes que mon père, le jour de son enterrement, il était plus réduit. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, les écolectionnes, les véroles, la médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage. Nos déjà se sont passés. C'est même cru en la société. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu l'espères, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras longtemps. Tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les a roulés, sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un couillon, tu t'envoies tout droit en prison, dis-toi qu'il est plus mal logé. Car pour te payer ta pitance, tandis que tu feras pénitence, tu es si fier de t'enfermer. Faudra encore qu'il aille bosser. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras longtemps. Voilà, c'était mon héritage. Comme tu vois, j'ai fait mes bagages. Je te laisse avec ta maman. Tu perds rien, j'ai pas le gros lot. Et tant pis pour toi si je triche. Où est-elle, tous ces mots? C'était donc ce soir le concert du printemps de la chanson avec les musiciens, la dizaine de musiciens et chanteurs qui y participent. Et je vous signale donc le 11 mai à Léo Lagrange à Épinal à 20h30 la troisième édition de ce concert. N'y manquez pas. Il y aura quelques petites variantes, des musiciens en plus, des musiciens en moins, mais c'est le programme tel que vous l'avez entendu. Et nous y attendons, c'est pas cher, c'est 5 euros l'entrée. Et il faudra téléphoner sans doute à Léo Lagrange pour réserver les places. Voilà, eh bien bonne soirée et à bientôt.